Dossier 1. Leçon 2. Voisin-voisine. Activité 4 et 5. Écoutez, chaque année depuis 10 ans, on se réunit ici dans la cour de l'immeuble. On a l'impression d'une fête de village. Il faut remercier notre gardien. C'est lui qui a eu l'idée d'organiser la fête des voisins chez nous. Et ça marche. Notre gardien, il est parfait. Toujours un petit mot gentil. Le matin, il nous demande comment ça va. Le soir, si la journée s'est bien passée. Puis vous savez, on se sent en sécurité avec lui. Il surveille bien l'immeuble. Oui, ça c'est vrai. Quand je vois une personne que je ne connais pas, je l'arrête et je lui demande ce qu'elle fait ici, chez qui elle va et tout ça. Alain, on l'adore. Quand on lui demande de nourrir le chat, d'arroser les plantes, il est toujours là. Il est toujours disponible. Pour Alain, hip hip hip, ouah ! Ah, ça me fait plaisir, c'est vrai. Les gens disent qu'ils sont contents de moi. Mais j'aime mon métier, tout simplement. Il n'y a pas de secret.